Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons en implorant son aide et lui demandons pardon et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guidé pour lui, et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et je témoigne que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager. Donc, nous continuons avec les notions indispensables à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire les notions indispensables pour tous les musulmans. Et nous sommes entrés dans le chapitre de la prière. Un chapitre qui est très important parce que la prière, c'est le plus important des piliers de l'islam après la shahada, c'est-à-dire la double attestation de la foi. Et la prière, elle a des conditions, la prière, elle a des piliers, et la prière, elle a des obligations. Donc, il faut expliquer quelles sont les conditions de la prière, quels sont les piliers de la prière, et les obligations de la prière, parce que sinon la prière, elle n'est pas valide. Donc, parmi les conditions de la validité de la prière, il y a 9 conditions de la validité de la prière. Je vais brièvement vous les citer, et après, on va donner les preuves issues du Coran et de la Sunna de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la première condition de la prière, il faut être un musulman. Il faut être un musulman. Et on a dit plusieurs fois, un musulman, c'est pas simplement dire « je suis un musulman » et après il va adorer une vache. Le musulman, c'est quelqu'un qui unifie Allah, il adore Allah l'unique et il ne lui donne pas d'associé. La deuxième condition de la validité de la prière, il faut être saint d'esprit. Troisième condition, avoir atteint l'âge de raison. Quatrième, être en état de pureté. Cinquième, être exempt de toute souillure. Sixième, couvrir ses parties intimes. Septième, se trouver, effectuer la prière dans les horaires, dans les horaires justes. La huitième, s'orienter vers la Qibla. Et la neuvième, évoquer l'intention. Donc, les trois premières conditions, comme on a dit, être musulman, être saint d'esprit, avoir atteint l'âge de raison. Déjà, donc, la prière d'un mécréant, elle n'est pas valide parce que tous les actes d'un mécréant sont caduques, c'est-à-dire invalides. La prière d'un malade mental, elle n'est pas non plus valide parce que le malade mental, il est déchargé de toute responsabilité. Et la prière d'un enfant, elle n'est pas valide parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ordonnez à vos enfants de prier quand ils atteignent l'âge de 7 ans ». Ordonnez à vos enfants de prier quand ils atteignent l'âge de 7 ans. Une autre condition que nous avons citée, c'est-à-dire la pureté rituelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une prière sans pureté rituelle n'est pas acceptée ». Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, Abu Dawud et At-Tirmidhi. Une des autres conditions que nous avons vues, c'est prier aux horaires indiqués. Allah a dit, accomplis la prière au déclin du soleil. Ensuite, nous avons aussi dit qu'il faut couvrir les parties intimes autant que possible à l'aide d'un vêtement qui n'est pas moulant et qui n'est pas transparent. Allah a dit, ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui ne se voile pas durant sa prière. Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui ne se voile pas durant la prière. Il faut savoir aussi que Ibn Abd al-Barr, il a mentionné l'existence de l'unanimité des savants. Donc il y a l'unanimité des savants concernant l'invalidité de la prière d'une personne qui prie nue alors qu'elle a la possibilité de se couvrir. Une des autres conditions que nous avons citées, c'est le fait de se débarrasser de toute souillure, qu'elle soit sur le corps, ou bien les vêtements, ou bien l'endroit où on va effectuer notre prière. Allah a dit dans son livre, « Et tes vêtements, purifie-les. Et tes vêtements, purifie-les. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Asma, concernant le sang des menstrues, il lui a dit qu'elle frotte le vêtement, l'essore, puis le rince et le revêt pour prier. Ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Une autre condition, il faut donc s'orienter, comme on a vu, en direction de la Qibla. Allah a dit, tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Et la dernière des conditions, l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par leur intention. Donc ici on a vu 9 conditions de la prière. Et avant de passer au pilier de la prière, je vous les répète brièvement. Être musulman, être saint d'esprit, avoir atteint l'âge de raison, être en état de pureté, être exempt de toute souillure, couvrir ses parties intimes, se trouver dans la plage d'horaire de la prière, s'orienter vers la Qibla, évoquer l'intention. Maintenant, on va passer aux piliers de la prière. Les piliers de la prière, elles sont au nombre de 14. Donc il y a 14 piliers de la prière. Le premier, on va d'abord les citer brièvement et après on va passer aux preuves. Donc le premier pilier, il faut se tenir debout si possible. Deuxième, prononcer la formule de sacralisation, c'est-à-dire le premier takbir, Allahu Akbar. Le troisième, réciter la sourate al-Fatiha. Quatrième, s'incliner. Cinquième, se relever après l'inclinaison. Sixième, se prosterner sur les 7 membres du corps. Septième, se relever de la prosternation. Huitième, se tenir assis entre les 2 prosternations. Neuvième, faire preuve de quiétude dans chaque mouvement. Dixième, accomplir ses actes dans l'ordre. Onzième, la récitation de la dernière formule de Tashahoud. Douzième, la réciter en étant assis. Treizième, invoquer Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la quatorzième, accomplir les 2 salutations finales. Donc on a vu que le premier pilier, c'est le fait d'être debout. Et la preuve, elle est dans le livre d'Allah, où Allah a dit, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Le deuxième pilier, qui est le fait de prononcer Allahu Akbar, la preuve, elle se trouve dans la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par At-Tirmidhi, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la clé de la prière est la purification rituelle, sa sacralisation est le fait de dire Allahu Akbar, et sa conclusion est la salutation finale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit à un homme qui avait mal fait sa prière, il lui a dit, lorsque tu désires accomplir la prière, fais tes ablutions, puis oriente-toi vers la Qibla, et prononce la formule Allahu Akbar. Et ce hadith, il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le troisième pilier, nous avons dit qu'il faut réciter la sourate al-Fatiha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de prière pour qui ne récite pas la sourate al-Fatiha. Donc celui qui ne récite pas la sourate al-Fatiha, sa prière, elle n'est pas valable. Et un des piliers de la prière, c'est donc le fait de savoir réciter la sourate al-Fatiha. Le quatrième pilier, nous avons dit, c'est l'inclinaison. Allah a dit, ô vous qui croyez, inclinez-vous. Et il a été rapporté de manière authentique dans les recueils d'Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme ayant mal accompli sa prière, puis incline-toi jusqu'à te stabiliser en position inclinée. Donc là, je vais m'attarder sur le fait de se stabiliser. Parce qu'il y a des gens, et il y a des pays dans lesquels il y a des gens qui prient très très vite. On dirait qu'ils font de la gymnastique. Des fois, on dirait que c'est des poules qui ramassent des graines tellement ils vont vite. Alors que un des piliers, c'est la quiétude dans la prière. Et il faut se stabiliser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis incline-toi jusqu'à te stabiliser en position inclinée. Et il faut savoir que les compagnons, dans leur prière, ils étaient... Rien que ce que je vais vous dire, ça va vous montrer à quel point ils étaient sérieux. Ce que Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, a dit, quand il avait donné un conseil, il avait dit, en parlant de la prière, il a donné un conseil en disant, quand tu accomplis ta prière, fais comme si tu faisais tes adieux. Regardez, accomplir sa prière comme si c'était ta dernière. Et aussi, on peut voir des gens, par exemple, quand ils vont se présenter pour un travail devant un patron, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent droit, mashallah, ils sont corrects, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas d'un poil. Par contre, quand ils se mettent devant Allah, tu les vois bouger dans tous les sens. Tu les vois bouger leurs pieds, ils se grattent. Ils font n'importe quoi. Le cinquième pilier, on a dit, c'est se relever complètement de l'inclinaison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis relève-toi de l'inclinaison jusqu'à te stabiliser debout. Donc à chaque fois, il faut se stabiliser. Il faut vraiment il faut marquer un temps d'arrêt. Et il faut, c'est un conseil pour moi-même, avant vous, il faut entre chaque mouvement marquer un temps d'arrêt pour être bien stabilisé. Et il faut craindre le jour où on va venir devant Allah, qu'Allah il nous annule pas la prière. Parce que la première chose pour laquelle nous allons être demandés le jour dernier, ça va être pour la prière. Alors il faut que la prière, elle soit bonne. Et qu'Allah nous guide et fasse de nous ceux qui font la prière, qu'Allah accepte. Amin. Il y a aussi les savants du hadith, ils ont rapporté d'après Abu Masoud al-Ansari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière d'une personne ne se tenant pas droit, écoutez ça, la prière d'une personne ne se tenant pas droit après s'être relevée de l'inclinaison et de la prosternation n'est pas valide. Je répète, la prière d'une personne ne se tenant pas droit après s'être relevée de l'inclinaison et de la prosternation n'est pas valide. Le sixième pilier, il faut se prosterner, comme on a dit, sur les sept membres du corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de me prosterner sur sept membres. Le front, et il a indiqué son nez avec la main. Les deux mains, les deux genoux et l'extrémité des orteils. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le septième pilier, il faut se relever de la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui a mal accompli sa prière, puis relève-toi jusqu'à te stabiliser en position assise. Le huitième pilier, Donc il faut s'asseoir entre les deux prosternations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui a mal accompli sa prière, puis relève-toi jusqu'à te stabiliser en position assise. Et Aïcha radiallahu anha a dit, comme il a rapporté par l'imam Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se relevait de la prosternation, il ne se prosternait à nouveau qu'après avoir marqué une pause en position assise. Le neuvième pilier, très important, il faut faire preuve de quiétude dans chaque mouvement. Il faut faire preuve de quiétude dans chaque mouvement. Le dixième pilier, comme on a dit, il faut tout accomplir dans l'ordre. Il ne faut pas sauter les étapes. La prière, elle a un début, elle a une fin. Vous ne pouvez pas commencer par la fin, ensuite aller au milieu et terminer par le début. Il faut commencer par le début et terminer par la fin. Les onzième et le deuxième piliers, c'est la récitation de la formule du tashahhud final tout en étant assis. Et le treizième, invoquer en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la formule du tashahhud final. Et le quatorzième, les deux salutations finales. Et la preuve, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit sa conclusion est la salutation finale. Et Aïcha radiallahu anha a dit lors de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il concluait sa prière par la salutation. Il concluait sa prière par la salutation. On a vu donc les conditions ainsi que les piliers de la prière. Maintenant, nous passons aux obligations de la prière. La différence entre les conditions, les piliers et les obligations, c'est que sans les conditions et sans les piliers, la prière elle est invalide. Toute la prière est invalide. Alors que si vous ratez une des obligations, vous pouvez à la fin corriger votre prière avec deux prosternations supplémentaires. Si vous avez raté donc une des obligations, et comme ça votre prière sera valide. Et parmi ces obligations de la prière, il y en a huit. Les huit obligations de la prière. Donc la première obligation, il faut prononcer toutes les formes du takbir. C'est-à-dire à chaque fois dire Allahu Akbar, sauf le premier comme on a dit, sans lequel la prière n'est pas valide. La preuve, c'est Ibn Masoud, radiallahu anhu, qui a dit, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prononcer le takbir à chaque fois qu'il se baissait ou se relevait, et à chaque fois qu'il se tenait debout ou s'asseyait. Et ce hadith, il est rapporté par les imams Ahmed An-Nasa'i, et celui qui l'a authentifié, c'est At-Tirmidhi, rahimahullah. La deuxième obligation de la prière, c'est le fait de dire qu'Allah réponde à la demande de celui qui le loue. Donc Abu Huraira radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait le takbir lorsqu'il se mettait debout pour prier, puis prononçait à nouveau lorsqu'il s'inclinait, puis disait en se relevant de l'inclinaison, qu'Allah réponde à la demande de celui qui le loue. Et lorsqu'il était complètement debout, ô notre Seigneur, à toi la louange. Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim. La troisième obligation, c'est le fait de dire ô notre Seigneur, à toi la louange. Comme on a dit là dans la deuxième obligation, en fait les deux se rejoignent. Maintenant, les quatrièmes et les cinquièmes conditions, c'est le fait de dire gloire à mon Seigneur le Majestueux durant l'inclinaison, quand vous êtes donc à l'inclinaison, et quand vous êtes à la prosternation, gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Et la preuve, c'est un hadith rapporté par Hudayfa qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait durant l'inclinaison, gloire à mon Seigneur le Majestueux, et durant la prosternation, gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Ce hadith, il est rapporté par les cinq traditionalistes et il a été authentifié par At-Tirmidhi. La sixième obligation de la prière, c'est entre les deux prosternations, le fait de dire « Ô mon Seigneur, pardonne-moi ». Entre les deux prosternations, et la preuve, c'est un hadith qui a été un hadith de Hudayfa qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô mon Seigneur, pardonne-moi entre les deux prosternations » et ce hadith il est rapporté par les imams An-Nasa'i et Ibn Majah. La septième, c'est la première formule du tashahhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque tu te mets debout pour la prière, prononce le takbir, puis récite ce que tu peux des versets du Coran. Lorsque tu te retrouves en position assise, en milieu de prière, stabilise-toi donc, assieds-toi sur ta jambe gauche et prononce le tashahhud. » Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud. Et la huitième, c'est le fait de s'asseoir durant le tashahhud, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous vous asseyez, toutes les deux unités de prière dites les salutations sont à Allah. Et maintenant, pour terminer, nous passons à ce qui annule la prière. Ce qui annule la prière. Il y a huit choses qui annulent la prière. Et parmi ces huit choses, il y a le fait de parler volontairement. Quelqu'un qui parle dans la prière, eh bien, sa prière, elle est invalide. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim que Zayd ibn Al-Arqam a dit « On nous ordonna de nous taire durant la prière et parler nous a été interdit. » La deuxième chose qui annule votre prière, c'est si vous rigolez pendant que vous priez. Celui qui va rire pendant qu'il fait la prière. Ibn Al-Munzir a dit « Les savants sont unanimes sur le fait que rire annule la prière. » Donc il y a l'unanimité des savants là-dedans, que celui qui va rire, sa prière sera invalide. La troisième chose, c'est manger, et la quatrième chose est boire. Et là-dedans aussi, il y a l'unanimité qui a été rapportée par Ibn al-Munzir qui a dit « Tous les savants que nous connaissons sont unanimes sur le fait que quiconque mange ou boit durant une prière obligatoire se doit de recommencer la prière. » Donc là-dedans aussi, il y a l'unanimité. La cinquième chose, c'est dévoiler des parties intimes. La sixième, dévier de la direction de la Qibla, par exemple si vous priez dans une autre direction que la Qibla. La septième, trop s'agiter dans la prière. Des gens qui s'agitent trop, ils sont vraiment pas tranquilles. Ils font n'importe quoi. Ils n'arrêtent pas de bouger, ils n'arrêtent pas de se gratter, ils n'arrêtent pas de sauter. Il y a des gens, ils font vraiment n'importe quoi. Et la prière d'une telle personne, elle est invalide selon l'unanimité des savants. Selon l'unanimité des savants. Et la huitième, celui qui va perdre sa pureté rituelle, celui qui va perdre ses ablutions. Ce qui nous amène au prochain cours, Inch'Allah, qui va porter sur les conditions des ablutions, les obligations des ablutions et les actes qui annulent les ablutions. Barakallahu fikum de votre attention. Subhanakallahum wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.